السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الكرام نحمد الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين ورب العالمين الذي وفقنا حتى أدركنا شهر رمضان Mes très chers frères, nous louons Allah subhanahu wa ta'ala et nous lui témoignons notre reconnaissance. Cela car il nous a gardés en vie et nous a permis d'entrer dans ce noble mois béni, le meilleur des mois de l'année, le mois de Ramadan, ce mois au cours duquel le Coran a été révélé, ce mois au cours duquel le Coran a été révélé, ce noble livre qui contient la guidée, la réussite, le bonheur et la félicité, tant dans ce bas monde que dans l'au-delà. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinat. Aussi, dans ce mois ou à l'entrée de ce mois, il convient de se donner quelques recommandations. La première est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, celui par la grâce duquel nous avons pu atteindre ce noble mois. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Quant au bienfait de ton Seigneur, proclame-le. Falhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Et que d'hommes, de femmes, de personnes âgées, mais également d'enfants, n'ont pas pu atteindre le mois de Ramadan. Ils étaient, il y a peu, sur la terre, et les voici désormais dans les cimetières. Donc si toi, Allah Azza wa Jal, t'a préservé, si toi, Allah subhanahu wa ta'ala, t'a prêté vie, tu dois témoigner ta reconnaissance. Tu dois être un serviteur reconnaissant. I'malu ala Daouda shukra wa qalilu min ibadiya shakur. Agissez-vous, les suiveurs de Daoud ou la famille de Daoud, avec reconnaissance. Et peu parmi mes serviteurs sont reconnaissants. Voici le premier point. Le deuxième point, al farah al shadid bi idraki shahr ramadan. On doit fortement se réjouir d'être dans le mois de Ramadan. Allah nous dit dans son noble livre: "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un." Dit par la grâce d'Allah et son bienfait, ou bien par la grâce d'Allah et sa miséricorde, de cela qu'ils se réjouissent, c'est bien meilleur que tout ce qu'ils peuvent amasser. C'est-à-dire dit, de par l'islam et la révélation du Coran, de cela qu'ils se réjouissent. Et parmi la révélation du Coran, ce grand pilier de l'islam qui est le jeûne du mois de Ramadan, qui a lieu dans ce noble mois. Donc on doit se réjouir, car pour cela nous avons été créés. Pour cela Allah nous a fait exister. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les dîners et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et parmi les plus grandes adorations, إِخْوَانِ الْكِرَامِ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانِ. Le fait de jeûner le mois de Ramadan, qui est un pilier parmi les piliers de l'islam, et une des plus grandes prescriptions et obligations religieuses qu'Allah Azza wa Jal nous ait ordonné et légiféré. Et pouvoir adorer Allah Azza wa Jal, c'est pouvoir faire ce pourquoi nous avons été créés. C'est pour cela que nous nous réjouissons de cela. Qu'Allah Azza wa Jal nous ait aplani cette occasion, cette adoration. La troisième recommandation est tafaqquh fi ahkam as-siyam wal qiyam. La troisième recommandation, c'est ou est de s'instruire, de se cultiver et d'étudier les règles relatives au jeûne du mois de Ramadan et à tout ce qui lui est relatif, comme les prières de nuit, comme les annulatifs du jeûne et ce qu'il est bon de faire durant ses journées et ses nuits. Fafi dhalika wa fi dhalika falyatanafas al-mutanafisun. C'est dans cela qu'on doit s'entraider, c'est dans cela qu'on doit se concurrencer. Ajoutez à cela al-hirs shadid ala fi'l al-khayrat wa tark al-munkarat. Une haute détermination, une grande rigueur et ferveur quant à l'adoration d'Allah Azza wa Jal, en se rapprochant de lui par les bonnes œuvres, en premier lieu les actes obligatoires et par la suite les actes recommandés. Tout comme il nous faut avoir beaucoup de détermination quant au délaissement de sa désobéissance et du péché. La recommandation suivante est du'a, le fait de demander à Allah Azza wa Jal. Car même si tu es en vie, même si tu es dans ce mois béni, tu ne pourras jamais te rapprocher de ton Seigneur en faisant un pas ou en délaissant un pas, si ce n'est s'il t'aide et t'accorde aide et assistance. Donc la clé de la réussite, c'est être du'a. Et Allah te dit dans son noble livre, « Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum » et votre Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous exaucerai. Invoquez-moi, je vous exaucerai. » Donc, après avoir loué Allah Azza wa Jal, après t'être réjoui d'être vivant dans ce mois de Ramadan, après avoir appris comment parfaire ton jeûne et l'adoration dans le mois de Ramadan, tu demandes à Allah Azza wa Jal l'aide et l'assistance. Aussi, tu te rapproches de lui par les bonnes œuvres et le délaissement des péchés. La recommandation suivante, c'est le fait de te faire un programme. Le fait de te faire un programme afin de ne pas perdre ton temps, afin d'organiser convenablement tes jours et tes nuits. Car celui qui ne fait pas cela arrivera au jour des regrets. Arrivera au jour des regrets. Il verra que les jours et les nuits de Ramadan se sont écoulés et qu'il n'a pas grandement pris ses provisions pour la demeure de l'éternité. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qu'on demande aide et assistance afin de réussir ce mois, afin de nous rapprocher de lui et de concrétiser ce pourquoi il a été légiféré. Allah nous dit dans son noble livre, « Ya ayyuha alladhina amanu, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqoun. La'allakum tattaqoun. » Ô vous qui avez cru, il vous a été enjoint, ordonné, légiféré, le jeûne, tout comme il a été prescrit aux générations passées. Ainsi atteindrez-vous la piété. Donc la grande sagesse, le grand secret du jeûne du mois de Ramadan est de devenir pieux. Ceci étant dit, sachez mes très chers frères, que parmi les plus grands chapitres de la piété, parmi les meilleures formes de piété, ce qui est aimé auprès de la seule divinité digne d'être adorée, Allah le Seigneur des mondes, ce qui a été entrepris, appliqué, transmis et enseigné par le meilleur des prophètes et messagers, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a les nobles caractères et le bon comportement. Et ce mois, le mois de Ramadan, est un mois d'école, d'études, de réforme, est un mois de concurrence. Et parmi ce que nous enseigne ce noble mois, parmi les grandes provisions à prendre dans ce noble mois, parmi les grandes graines à planter et les grands fruits à récolter, il y a le bon comportement. Et la corrélation est évidente entre la piété et le bon comportement, tout comme elle l'est. Donc le lien entre le bon comportement et le mois de Ramadan. Et il nous suffit de nous rappeler la parole du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il nous dit, si nous sommes en état de jeûne, et qu'une personne nous insulte ou tente de nous nuire, qu'on lui réponde, inni sa'im, inni mru'un sa'im, je suis en état de jeûne. C'est-à-dire que ce jeûne-là me pousse à la piété. Et parmi la piété de mon jeûne, le fait de préserver mon comportement, le fait de ne pas entacher, de ne pas souiller, de ne pas corrompre et perturber mon noble comportement. Quel meilleur moment que les jours du mois de Ramadan pour s'enjoindre mutuellement la réforme de nos comportements. Voici le thème choisi. Voici le sujet qui sera lu et étudié, Inch'Allah Ta'ala. Et pour ce faire, un très grand livre d'un très grand auteur, Amir al-Mu'minin fil Hadith, l'imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, qui est né en l'an 194 après l'Hégire et décédé en 256, en l'an 256 après l'Hégire. C'est un grand savant, c'est un grand imam qui a le livre le plus célèbre après Al-Qur'an al-Azim, Sahih al-Bukhari, le livre le plus authentique après le Qur'an. Et pour parfaire ses caractères, quelle meilleure source que la parole d'Allah Azza wa Jal, que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce grand imam, l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, en dehors de Sahih al-Bukhari, a écrit un livre qui s'intitule Al-Adab al-Mufrad. Donc c'est un recueil de hadith et de récits relatifs au noble caractère et au bon comportement. Et on l'a appelé Al-Adab al-Mufrad, cela car il a été distingué et séparé sans en faire partie de son livre Sahih al-Bukhari. Et il a ajouté des hadiths qu'il n'avait pas mentionnés dans Kitab al-Adab de Sahih al-Bukhari. Et il a ajouté des athar. Et il a hautement embelli et magnifié ce livre, rahmatullahi alayhi. Alors c'est celui qui souhaite embellir ses caractères, celui qui souhaite se parer du meilleur vêtement au sujet duquel Allah nous dit dans le Coran, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ, et le vêtement de la piété, voici ce qu'il y a de meilleur. Et parmi ces vêtements, il y a le bon comportement. Voici donc le livre. Voici donc le livre sur lequel nous allons, le livre dans lequel nous allons lire, le livre dans lequel nous allons nous éduquer. Voici le livre que nous allons tenter d'appliquer. Sa'ilanillah maulana wa rabbana subhanahu wa ta'ala al-i'anata wa al-tawfiq wa al-amal bima yuhibbu wa yarda, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala l'aide et l'assistance afin qu'on puisse apprendre, comprendre, appliquer et transmettre. Et ô combien il est beau, mes très chers frères, chers pères et chères mères, chers parents et chers enfants, ô combien il est beau de réunir vos familles afin de s'entraider dans cette bonne œuvre qu'est l'acquisition des nobles caractères. Ô combien il est beau au père de dire à son fils, Ya waladi, ya bunay, ô mon cher fils, viens t'asseoir afin qu'on écoute le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, afin qu'on apprenne les nobles caractères. Ô combien il est beau de trouver une mère douce et attentionnée qui fait s'asseoir ses enfants et leur dit, ô mes chers enfants, je veux de vous que vous copiez le prophète alayhi salatu wassalam dans ses nobles caractères. J'attends de vous que vous ayez les meilleurs comportements. J'attends de vous que vous ayez les meilleurs caractères. Et les savants de l'islam, de toute époque, se sont attelés à cette tâche qui consiste à réunir les paroles du prophète alayhi salatu wassalam sur les nobles comportements, sur les nobles caractères. Tantôt, ils réunissent les bienséances et les nobles comportements à adopter lors du repas, tantôt lors du voyage, tantôt lors de l'étude de la science, tantôt lors des assises, tantôt lors de la salutation. Et il nous incombe à nous, leurs successeurs, de puiser les nobles caractères dans ses livres, dans la sunna du noble messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les choses qui nous montrent l'importance de ce sujet, c'est que le bon comportement, c'est ton titre. Le bon comportement, c'est ta valeur. C'est ce que tu es, ce que tu représentes, ce qu'on voit de toi, ce que tu donnes. Les bons comportements sont... Les bons comportements, c'est ce qui va faire ta réussite dans ce bas monde ou l'autre. Les bons comportements, c'est ce qui va te donner accès au cœur des autres ou non. Les bons comportements, c'est ce qui va t'élever ou non. Et sache que les comportements sont nobles, mais très divers et multiples. Et le meilleur des bons comportements est le comportement envers Allah. Puis envers le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis les plus proches et les autres. Le bon comportement envers Allah, azza wa jal, c'est de le connaître. De l'adorer seul d'un culte sincère. De chercher à se rapprocher de lui de jour comme de nuit. D'avoir de la pudeur face à lui. De s'éloigner de sa désobéissance et de chercher à l'adorer, se rapprocher de lui. Le craindre et sentir sa surveillance en public comme en privé. S'éloigner de sa désobéissance. Avoir toujours une bonne opinion de lui. Rechercher son agrément. Agréer et accepter son décret et sa prédestination. Le bon comportement envers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Avoir comme croyance ferme que c'est le serviteur d'Allah et son messager. Que c'est le meilleur des hommes. Il a été envoyé en tant qu'avertisseur et annonciateur. Tu dois reconnaître que c'est le seul chemin qui mène au Seigneur et à la demeure de la félicité. Tu dois obéir à ses ordres, t'éloigner de sa désobéissance, croire en ses dires et venir n'adorer qu'Allah. Et cela qu'en conformité avec ses enseignements, sallallahu alayhi wa sallam. Et ne jamais outrepasser ce qu'il nous a enseigné et dispensé comme leçon et enseignement. Le comportement envers les gens, enfin, c'est accorder à chacun son droit et t'acquitter envers eux de tes devoirs. Et cela en commençant par les plus proches. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, dans ce livre, nous a clairement adressé un message en commençant par un chapitre sur la bienfaisance envers les parents. Lorsque l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, commence son livre, « Al-Adab al-Mufrad » Lorsque l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, commence son livre et son enseignement par un chapitre sur les parents, quel est le message qu'il nous adresse? Quel est le message qu'il souhaite nous adresser? Le message, mes très chers frères, est très clair. Le message est que les gens les plus en droit à tes nobles caractères et à ton bon comportement sont tes parents. Car ce sont eux qui t'ont mis au monde. Car ce sont eux qui t'ont enfanté. Car ce sont eux qui se sont fatigués pour toi. Car ce sont eux qui t'ont aimé avant même ta venue au monde. Ce sont eux qui ont veillé. Ce sont eux qui ont donné leur vie pour que tu vives. Qui travaillent pour t'élever, pour t'éduquer et te nourrir. Ce sont donc les gens les plus en droit à ton bon comportement. Ce sont les gens les plus en droit à ta bienfaisance, à ta douceur et à tes biens. Et celui qui n'a pas de bon comportement envers ses parents, c'est comme s'il n'avait pas de bon comportement. Et beaucoup demandent et s'interrogent. Comment se fait-il que certaines personnes adressent leur douceur, leur sagesse, leur bienfaisance à leurs amis, mais qu'ils peinent à faire de même, à défaut d'en faire plus, envers leurs parents. Les savants nous disent que la réponse est, premièrement, le manque de sincérité. Et deuxièmement, ils savent pertinemment que s'ils se comportent mal envers leurs amis, ils seront délaissés, boycottée et abandonnée. Quant à la mère, elle ne l'abandonnera jamais son enfant. Quelles que soient ses fautes, quels que soient ses crimes, elle sera toujours là à le couver, à le couvrir. Elle sera toujours là à l'inviter, à l'appeler, à le conseiller. « Oh mon enfant, arrête cela, ça va t'apporter du mal. Oh mon enfant, délaisse tes fréquentations. Oh mon enfant, accomplis la prière. Oh mon enfant, arrête tes bêtises. » Elle sera toujours là, cette chère mère, de par ce qu'Allah Azza wa Jal a mis dans son cœur, comme miséricorde, comme piété. Comment cela pourrait-il être différent alors qu'elle l'a porté 9 mois. Elle l'a enfanté en voyant la mort devant ses yeux. Ensuite, elle l'a supporté de se réveiller nuit après nuit, sans jamais se plaindre. C'est celle qui t'a allaité, celle qui t'a porté, celle qui a sacrifié sa jeunesse et sa beauté pour toi. C'est celle qui t'aime plus qu'elle s'aime elle-même. C'est celle qui, avant même ta venue au monde, a imaginé ton futur et l'a préparé. Comment cela pourrait-il être autrement, alors qu'elle a eu un lien avec toi avant même que ton père te porte et te nomme, t'accorde ce noble prénom? Ça, c'est la mère. Et ça, c'est le père. Ce sont ceux qui sont le plus en droit à ta bienfaisance, le plus en droit à ton bon comportement. Également, parmi les choses qui nous montrent l'importance du bon comportement, il y a le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, dans son noble livre, ait parlé du bon comportement. Il nous dit « Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. » Tu es certes doté d'un comportement grandiose. Tu es certes doté d'un comportement grandiose. Et le prophète alayhi salat wa salam, dans de très nombreux ahadiths, vante les mérites du bon comportement. Comme lorsqu'il nous dit « Innama bu'ithtu li utammima salih al-akhlaq. » Je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles comportements. Il nous dit aussi adnakum minni manzilatan yawm al-qiyamah ahsanukum akhlaqa. Celui qui sera le plus proche de moi le jour de la résurrection est celui qui parmi vous a les meilleurs comportements. Et lorsqu'il a été questionné sur ceux qui faisaient le plus entrer au paradis, il a répondu taqwallahi wa husnul khuluq. La piété envers Allah et le bon comportement. La piété envers Allah et le bon comportement. Et pour finir cette introduction, celui qui souhaite pleinement tirer profit de l'étude de ce livre, il se doit premièrement de purifier son intention. Pourquoi est-ce que j'écoute ce cours? Pourquoi est-ce que j'étudie ce livre? Est-ce que c'est pour passer les heures du mois de Ramadan et ne pas ressentir la faim? Est-ce que c'est pour, comme ils le disent, faussement, injustement, et de manière déplacée pour tuer le temps? Non. Mais moi, j'écoute ces cours. Moi, j'étudie ce livre. Moi, je lis ces livres parce que je veux enlever mon ignorance. Parce que je reconnais que j'ai des défauts dans mon comportement. Je reconnais que je dois parfaire ces comportements. Je reconnais que je dois adorer Allah Azza wa Jal à travers cela. Et que je dois faire profiter mes proches et les autres de ces nobles caractères. Naam. Je veux donc connaître ces comportements pour les appliquer. Voici mon intention. Devenir pieux à travers ces comportements. J'ai comme intention également de propager ces bons comportements auprès de mes proches, femmes, enfants, parents, tantes, cousins, et ainsi de suite. Je veux propager cela. Je veux propager cela. Donc voici la première chose, purifier l'intention. La deuxième chose est du'a. Le prophète alayhi salat wa salam faisait du'a pour le bon comportement. Il faisait du'a pour le bon comportement. Il disait Allahumma kama hassanta khalqi fa hassin khuluqi. Oh Allah, tout comme tu as parfait ma création, mon apparence, parfait donc aussi mes comportements. Mes comportements. Donc, il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la hawla wa la quwwata illa billah. Sans l'aide d'Allah, on ne pourra jamais avoir un bon comportement. Il ne suffit pas de savoir, de connaître. Il faut pouvoir appliquer. Et nul ne peut appliquer sans l'aide d'Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et le prophète alayhi salatu wassalam a enseigné à son bien-aimé Mu'adh ibn Jabal, Ya Mu'adh, Wallah inni la uhibbuk. Allahu Akbar. Le prophète alayhi salatu wassalam qui témoigne de son amour pour son compagnon. Et il lui dit, Wallahi, ô Mu'adh, Wallah, je t'aime. La tada'anna dubura kulli salatin antakul. Ne cesse jamais de dire avant la fin de la prière cette parole. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ô Allah, aide-moi à me souvenir de toi ou à te mentionner, à être reconnaissant envers toi et à t'adorer de la bonne manière. Et à t'adorer de la bonne manière. Et rappelez-vous le athar de Taous ibn Kaysan, ce grand tabi'i rahimahullah, lorsqu'il nous dit « Inna hadhil akhlaq mawahib » Ces comportements sont des dons d'Allah. « Wa inna Allah tabaraka wa ta'ala idha habba ahadan wahabahu iya » Et lorsqu'Allah aime une personne, il les lui accorde. Il lui en fait don. Donc il faut demander à Allah Azza wa Jal, na'am, les nobles caractères. Et parmi les invocations du prophète alayhi salatu wassalam, Allahumma hdini li ahsani al-akhlaq la yahdi ilayha illa ant wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Ô Allah, guide-nous vers les meilleurs comportements. La yahdi ila ahsaniha illa ant. Nul ne peut nous guider au noble comportement si ce n'est toi. Et détourne-nous des mauvais comportements. Nul ne peut nous détourner des mauvais comportements si ce n'est toi. Et parmi les invocations du prophète alayhi salatu wassalam, Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaq wal ahwa'i wal adwa. Wallah, je cherche refuge auprès de toi contre les mauvais comportements, contre les passions et les maladies ou les épidémies ou les maladies. Donc on demande à Allah Azza wa Jal l'aide et l'assistance afin qu'il nous accorde la réussite, la lecture, l'étude de ce livre, sa compréhension et sa mise en pratique. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'in. Aslih lana sha'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ayn. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa sidqa wal mutaba'a. Allahumma a'inna 'ala as-siyam wal qiyam. Allahumma a'inna 'ala as-siyam wal qiyam. Allahumma a'inna 'ala as-siyam wal qiyam. Allahumma rabbana inna nasan min aba'ina wa ummahatina wal muslimin kanu yasumuna ma'ana wa kanu ma'ana وقد ماتوا وهم الآن بأمس الحاجة إلى دعائنا فإنا نتوسل إليك بحبك وحب نبيك وحب صيام شهر رمضان وحب العلم بأن تعفو عنهم وأن تغفر لهم وأن ترحمهم وأن ترفع درجاتهم في الجنة وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.